ne reviendront pas. Ils ont donné leur souffle. Le sable les a repris, le silence les gare. Raiderskill est là, debout dans les cendres. Le regard noir, les mains tremblantes de poussière. On n'a pas pleuré, on a chanté, car pleurer c'est laisser partir. Et nous on se souvient, le désert ne fait pas de promesses, mais il entend, et ceux qui sont tombés sont désormais. Raiderskill a appelé leur nom, un à un, dans la nuit, et les dunes ont répondu, nous ne chantons pas pour la gloire, nous chantons pour l'écho, pour que le vent n'oublie pas ce qu'ils ont crié avant de tomber. Ceux qui restent doivent marcher, doivent porter, doivent se taire. Aujourd'hui, on chante pour eux, pour nous, pour ce qui vient. Fremen lié par la perte, Fremen scellé par le sang, Fremen tenu debout par le chant, ce qui reste. Chante encore, Raiderskill marche entre les tombes, il ne dit rien mais son pas frappe le sol. Et le désert l'écoute, le feu est bas, mais la voix est haute et même les vers restent loin. Par respect, tu crois qu'on a peur? Non, on n'a plus de place pour la peur. Elle est morte avec eux, Raiderskill le dit souvent. Ceux qui restent doivent faire plus de bruit que tous les morts réunis, alors on le fait. Ce n'est pas un adieu, c'est un passage, une braise transmise, une mémoire tatouée sur le sable. Raiderskill, tu portes nos serments, et nous, on porte ton nom. Chante avec nous, toi qui écoutes, chante pour qu'ils entendent et qu'ils sachent qu'ils vivent encore en nous. Le sable n'est pas froid, il garde la chaleur des batailles. Il se souvient de tout, même des chants étouffés. Ceux qui restent